Chapitre 47 Des essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 47 De l'incertitude de notre jugement. C'est bien ce que dit ce vers. Epeon de polis nomos ensa kai ensa. Il y a prou de loi de parler partout et pour et contre. Pour exemple, vince Hannibal et non seppe usar poi ben la vittoriosa sua ventura. Qui voudra être de ce parti et faire valoir avec nos gens la faute de n'avoir dernièrement poursuivi notre pointe à mon contour? Ou qui voudra accuser le roi d'Espagne de n'avoir su se servir de l'avantage qu'il eut contre nous à Saint-Quentin? Il pourra dire cette faute partir d'une âme enivrée de sa bonne fortune, et d'un courage, lequel, plein et gorgé de ce commencement de bonheur, perd le goût de l'accroître, déjà par trop empêché à digérer ce qu'il en a. Il en a sa brasée toute comble, il n'en peut saisir davantage. Indigne que la fortune lui ait mis un tel bien entre mains. Car quel profit en sent-il, si néanmoins il donne à son ennemi moyen de se remettre su? Quelle espérance peut-on avoir qu'il ose une autre fois attaquer ceux-ci ralliés et remis, et de nouveau armés de dépit et de vengeance, qui ne les a osés ou su poursuivre, tout rompus et effroyés? Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror. Mais enfin, que peut-il attendre de mieux que ce qu'il vient de perdre? Ce n'est pas comme à l'escrime où le nombre des touches donne gain. Tant que l'ennemi est en pied, c'est à recommencer de plus belle. Ce n'est pas victoire si elle ne met fin à la guerre. En cette escarmouche où César eut du pire près la ville d'Oricum, il reprochait aux soldats de Pompeius qu'il eût été perdu si leur capitaine eût su vaincre, et lui chaussa bien autrement les éperons quand ce fut à son tour. Mais pourquoi ne dira-t-on aussi, au contraire, que c'est l'effet d'un esprit précipiteux et insatiable de ne savoir mettre fin à sa convoitise, que c'est abuser des faveurs de Dieu de leur vouloir faire perdre la mesure qu'il leur a prescrite, et que de se rejeter au danger après la victoire, c'est la remettre encore un coup à la merci de la fortune, que l'une des plus grandes sagesses en l'art militaire, c'est de ne pousser son ennemi au désespoir. Sylla et Marius ont la guerre sociale, ayant défait les Mars, en voyant encore une troupe de reste qui, par désespoir, se revenait jeter sur eux comme bêtes furieuses, ne furent pas d'avis de les attendre. Si l'ardeur de Monsieur de Foix ne l'eût emporté à poursuivre trop âprement les restes de la victoire de Ravenne, il ne l'eût pas souillé de sa mort. Toutefois encore servit la récente mémoire de son exemple à conserver Monsieur d'Enghien de pareils inconvénients à Cérisol. Il fait dangereux assaillir un homme à qui vous avez ôté tout autre moyen d'échapper que par les armes, car c'est une violente maîtresse d'école que la nécessité. Gravissimi sunt morsus irritatae necessitatis. Vincitur haut gratis jugulo qui provocat hostem. Voilà pourquoi Pharax empêcha le roi de Lacédémone, qui venait de gagner la journée contre les Montinéens, de n'aller affronter 1000 Argiens qui étaient échappés entiers de la déconfiture, ainsi les laisser couler en liberté pour ne venir à essayer la vertu piquée et dépitée par le malheur. Clodomir, roi d'Aquitaine, après sa victoire, poursuivant Gondemar, roi de Bourgogne, vaincu et fuyant, le força de tourner tête. Mais son opiniâtreté lui ôta le fruit de sa victoire, car il y mourut. Pareillement, qui aurait à choisir ou de tenir ses soldats richement et somptueusement armés, ou armés seulement pour la nécessité, il se présenterait en faveur du premier parti, duquel étaient Sertorius, Philopomène, Brutus, César et autres, que c'est toujours un aiguillon d'honneur et de gloire aux soldats de se voir parer, et une occasion de se rendre plus obstiné au combat, ayant à sauver ses armes comme ses biens et héritages. Raison, dit Xénophon, pourquoi les Asiatiques menaient en leur guerre femmes, concubines, avec leurs joyaux et richesses plus chères, mais il s'offrirait aussi, de l'autre part, qu'on doit plutôt ôter au soldat le soin de se conserver que de le lui accroître, qu'il craindra, par ce moyen, doublement à se hasarder, joint que c'est augmenter à l'ennemi l'envie de la victoire par ses riches dépouilles, et allons remarquer que d'autres fois, cela encouragea merveilleusement les Romains à l'encontre des Samnites. Antiochus, montrant à Hannibal l'armée qu'il préparait contre eux, pompeuse et magnifique, en toutes sortes d'équipages, et lui demandant « Les Romains se contenteront-ils de cette armée ?»« S'ils s'en contenteront, » répondit-il. « Vraiment, oui, pour avoir qu'ils soient. » Lycurgus défendait aux siens non seulement la somptuosité en leur équipage, mais encore de dépouiller leurs ennemis vaincus, voulant, disait-il, que la pauvreté et frugalité reluisit avec le reste de la bataille. Au siège et ailleurs, où l'occasion nous approche de l'ennemi, nous donnons volontiers licence aux soldats de le braver, dédaigner et injurier de toute façon de reproche, et non sans apparence de raison, car ce n'est pas faire peu de leur ôter toute espérance de grâce et de composition en leur représentant qu'il n'y a plus ordre de l'attendre de celui qu'ils ont si fort outragé, et qu'il ne reste remède que de la victoire. Si est-ce qu'il en méprit à Vitellius, car ayant affaire à autant, plus faible en valeur des soldats désaccoutumés de longues mains du fait de la guerre, et amollis par les délices de la ville, il les agaça tant, enfin, par ses paroles piquantes, leur reprochant leur pusillanimité et le regret des dames et fêtes qu'il venait de laisser à Rome, qu'il leur remit par ce moyen le cœur au ventre, ce que nul exhortement n'avait su faire, et les attira lui-même sur ses bras, où l'on ne les pouvait pousser. Et de vrai, quand ce sont injures qui touchent au vif, elles peuvent faire aisément que celui qui allait lâchement à la besogne pour la querelle de son roi y aille d'une autre affection pour la sienne propre. À considérer de combien d'importance est la conservation d'un chef en une armée, et que la visée de l'ennemi regarde principalement cette tête à laquelle tiennent toutes les autres et en dépendent, il semble qu'on ne puisse mettre en doute ce conseil que nous voyons avoir été pris par plusieurs grands chefs de se travestir et déguiser sur le point de la mêlée. Toutefois, l'inconvénient qu'on encourt par ce moyen n'est pas moindre que celui qu'on pense fuir, car le capitaine venant à être méconnu des siens, le courage qu'ils prennent de son exemple et de sa présence vient aussi quand et quand à leur faillir. Et perdant la vue de ses marques et enseignes accoutumées, ils le jugent ou mort ou s'être dérobé, désespérant de l'affaire. Et quant à l'expérience, nous lui voyons favoriser tantôt l'un, tantôt l'autre parti. L'accident de Pyrrhus en la bataille qu'il eut contre le consul de Vinus en Italie nous sert à l'un et l'autre visage. Car pour s'être voulu cacher sous les armes de Mégaclès et lui avoir donné les siennes, il sauva bien sans doute sa vie, mais aussi il en quitta en courir l'autre inconvénient de perdre la journée. Alexandre, César, Lucullus, aimaient à se marquer au combat par des accoutrements et armes riches, de couleurs reluisantes et particulières. Agis, Agésilaus et ce grand Gilippus, au rebours, allaient à la guerre obscurément couverts et sans atour impérial. À la bataille de Pharsale, entre autres reproches qu'on donne à Pompéius, c'est d'avoir arrêté son armée pied-coi, attendant l'ennemi. Pour autant que cela, je déroberai ici les mots mêmes de Plutarque, qui valent mieux que les miens, affaiblit la violence que le courir donne au premier coup, et quand ôtent les lancements des combattants les uns contre les autres, qui a accoutumé de les remplir d'impétuosité et de fureur, plus qu'autre chose, quand ils viennent à s'entrechoquer de roideur, leur augmentant le courage par le cri et la course, et rend la chaleur des soldats en manière de dire refroidie et figée. Voilà ce qu'il dit pour ce rôle. Mais si César eût perdu, qui n'eût pu aussi bien dire qu'au contraire la plus forte et raide assiette est celle en laquelle on se tient planté sans bouger, et que, qui est en sa marche arrêtée, resserrant et épargnant pour le besoin sa force en soi-même, à grand avantage contre celui qui est ébranlé et qui a déjà consommé à la course la moitié de son haleine. Outre ce que l'armée, étant un corps de tant de diverses pièces, il est impossible qu'elle s'émeuve, en cette furie d'un mouvement si juste qu'elle n'en altère ou rompe son ordonnance, et que le plus dispos ne soit aux prises avant que son compagnon le secoure. En cette vilaine bataille de deux frères perses, Clearchus, lacédémonien qui commandait les Grecs du parti de Cyrus, les mena tout bellement à la charge, sans se hâter, mais à 50 pas près, il les mit à la course, espérant par la brièveté de l'espace ménager et leur ordre et leur haleine, leur donnant cependant l'avantage de l'impétuosité pour leurs personnes et pour leurs armes à trait. D'autres ont réglé ce doute en leurs armes de cette manière. Si les ennemis vous courent sur, attendez-les de pied quoi. S'ils vous attendent de pied quoi, courez-leur sur. Au passage que l'empereur Charles V fit en Provence, le roi François fut au propre délire ou de lui aller au-devant en Italie ou de l'attendre en ses terres. Et bien qu'il considérât combien c'est davantage de conserver sa maison pure et nette des troubles de la guerre, afin qu'entière en ses forces elle puisse continuellement fournir deniers et secours aux besoins, que la nécessité des guerres porte à tous les coups de faire le gars, ce qui ne se peut faire bonnement en nos biens propres, et si le paysan ne porte pas si doucement ce ravage de ceux de son parti que de l'ennemi en manière qu'il s'en pût aisément allumer des séditions et des troubles parmi nous, que la licence de dérober et piller, qui ne put être permise en son pays, est un grand support aux ennuis de la guerre, et qui n'a autre espérance de gain que sa solde, il est malaisé qu'il soit tenu en office, étant à deux pas de sa femme et de sa retraite, que celui qui met la nappe tombe toujours des dépenses, qu'il y a plus d'allégresse à assaillir qu'à défendre, et que la secousse de la perte d'une bataille dans nos entrailles est si violente qu'il est malaisé qu'elle ne coule tout le corps, attendu qu'il n'ait passion contagieuse comme celle de la peur, ni qu'il se prenne si aisément à crédit et qu'il s'épande plus brusquement, et que les villes qui auront ouï l'éclat de cette tempête à leurs portes, qui auront recueilli leurs capitaines et soldats tremblants encore et hors d'haleine, il est dangereux sur la chaude qu'elle ne se jette à quelque mauvais parti. Si est-ce qu'il choisit de rappeler les forces qu'il avait de là les monts et de voir venir l'ennemi. Car il peut imaginer, au contraire, qu'étant chez lui et entre ses amis, il ne pouvait faillir d'avoir planté de toute commodité. Les rivières, les passages, à sa dévotion lui conduiront vivre et deniers en toute sûreté et sans besoin d'escorte, et qu'il aurait ses sujets d'autant plus affectionnés qu'ils auraient le danger plus près. Qu'ayant tant de villes et de barrières pour sa sûreté, ce serait à lui de donner loi au combat, selon son opportunité et avantage. Et s'il lui plaisait de temporiser, qu'à l'abri et à son aise, il pourrait voir morfondre son ennemi et se défaire soi-même par les difficultés qui le combattraient engagé en une terre contraire, où il n'aurait devant ni derrière lui, ni à côté, rien qui ne lui fît guère, ni le moyen de rafraîchir ou d'élargir son armée si les maladies s'y mettaient, ni de loger à couvert ses blessés, nul denier, nul vivre qu'à pointe de lance, nul loisir de se reposer et prendre haleine, nulle science de lieu ni de pays qui le sût défendre d'embûches et surprises, et s'il venait à la perte d'une bataille, aucun moyen d'en sauver les reliques, et n'avait pas faute d'exemple pour l'un et pour l'autre partie. Scipion trouva bien meilleur d'aller assaillir les terres de son ennemi en Afrique que de défendre les siennes, et le combattre en Italie où il était, d'où bien lui prit. Mais au rebours, Hannibal, en cette même guerre, se ruina d'avoir abandonné la conquête d'un pays étranger pour aller défendre le sien. Les Athéniens, ayant laissé l'ennemi en leur terre pour passer en la Sicile, eurent la fortune contraire. Mais Agathoclès, roi de Syracuse, l'eut favorable, ayant passé en Afrique et laissé la guerre chez soi. Ainsi nous avons bien accoutumé de dire, avec raison, que les événements et issues dépendent, notamment en la guerre, pour la plupart de la fortune, laquelle ne se veut pas ronger et assujettir à notre discours et prudence, comme disent ces vers. Et male consultis pretium est, prudentia fallax, nec fortuna probat causas, sequi turque merentes, sed vaga percunctos nullo discrimine fertur. Scilicet est aliud, quod nos cogatque regatque, maius et in proprias ducat mortalia leges. Mais à le bien prendre, il semble que nos conseils et délibérations en dépendent bien autant, et que la fortune engage en son trouble et incertitude aussi nos discours. Nous raisonnons hasardeusement et témérairement, dit Timaeus en Platon, parce que, comme nous, nos discours ont grande participation à la témérité du hasard. Fin du chapitre 47.